Activité 9, B et C. 1. On prend le métro ou on attend? 2. Pardon, on s'arrête à quelle station? 3. À la gare de Lyon, il y a une location de vélo. 4. Nous allons au Grand Trianon.